Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures? Merci de vous réveiller avec France Culture et un autre jour est possible en ce vendredi 11 décembre. Votre réveil culturel jusqu'aux informations du 6h30 au programme Nikita Arvich. Depuis lundi, cette historienne nous raconte l'histoire du chocolat. C'est un spécialiste du chocolat et aujourd'hui, on se posera la bonne question de savoir s'il y aura du bon chocolat à Noël. En deuxième partie, comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, une bande dessinée au cœur du drame syrien. Cyril Pommès et Jean-Pierre Filu sont mes invités pour parler de la bande dessinée éditée par Futuropolis, La Dame de Damas. Et je reçois le dessinateur Cyril Pommès et le scénariste Jean-Pierre Filu aux alentours de 6h20. Merci de vous réveiller avec France Culture. Le chocolat, toute une histoire par Nikita Arvich, historien, auteur de la première encyclopédie consacrée au chocolat. Cinquième et dernier épisode de la série, y aura-t-il du bon chocolat à Noël? C'est la question qu'on vous pose, Nikita Arvich. Oui, ça, il y aura du bon chocolat à Noël, il y aura encore du bon chocolat pour un certain nombre d'années. Mais il convient bien sûr de relativiser dans la mesure où l'augmentation exponentielle de la consommation de chocolat, enfin de cacao et de chocolat au XXe siècle, amène quand même à, disons, définir ce que l'on entend par bon chocolat. Alors, augmentation de la consommation. Pensez que au début du XXe siècle, la consommation moyenne de cacao dans le monde était d'environ 100 000 tonnes. Maintenant, nous en sommes à 4 millions. Alors évidemment, c'est la première grande expansion de la consommation de chocolat s'est faite véritablement entre 1900 et la Seconde Guerre mondiale. Parce que la production africaine arrive sur le marché, les grandes industries ont fait preuve d'inventivité en mettant au point toute une série de nouveautés, de friandises qui ont enchanté les gens. Enfin, ça va depuis le Kit Kat, les Smarties, les tablettes de chocolat, les bonbons, le bachi de Perugina, enfin... La liste est infinie et cela, évidemment, a diversifié la consommation. Paradoxalement, la crise des années 30 a été un grand boom de consommation, a vu un grand boom de consommation du chocolat. Bon, peut-être était-ce les qualités d'antidépresseurs. Le cacao contient une substance, la théobromine, qui a été isolée au milieu du 19e siècle et qui a un effet euphorisant. Alors l'effet euphorisant du chocolat, on l'avait déjà, je dirais, soupçonné dès le 16e siècle. Il y a un célèbre traité d'un missionnaire jésuite, le père Joseph de Acosta, qui dit que le chocolat a des qualités addictives qui en font, et justement ça en fait quelque chose d'un peu suspect. Mais ce sont des qualités d'antidépresseurs qui sont parfaitement avérées. Quand on se sent pas bien, croquer une tablette de chocolat, ça permet de se sentir mieux, et ça, je dirais, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, pour revenir à cette augmentation de la consommation, évidemment, le chocolat est entré dans l'ère de la production de masse. Les grandes entreprises qui sont concentrées actuellement dans le monde, enfin, il faut bien dire que à peu près 70% de tout le chocolat consommé sur la planète est fabriqué par 5 ou 6 grands groupes multinationaux. qui sont souvent des groupes encore familiaux. Vous savez, l'entreprise Ferrero italienne ou le groupe Mars américain sont des entreprises familiales, ne sont pas cotées en bourse. Et ça représente, je dirais, des milliards, quelle que soit la monnaie que vous voulez utiliser. Le XXe siècle, en particulier la seconde moitié du XXe siècle, a vu l'émergence d'une nouvelle zone de production de cacao, l'Asie, où un pays au départ a dominé l'ensemble, c'est l'Indonésie. Avec une production d'un cacao de bonne qualité, en particulier sur l'île de Java, et depuis quelques années, un deuxième pays asiatique. On peut mentionner la Malaisie, mais là, ça a été plutôt un cycle. Maintenant, ils n'en produisent plus tant que ça. Mais un second pays asiatique apparaît maintenant au firmament des grands producteurs de cacao, c'est le Vietnam. En particulier, le sud du Vietnam. Il n'est pas impossible, parce que le climat s'y prête, que la Chine devienne à son tour un pays producteur de cacao. Ça n'est pas encore le cas. Mais pour l'instant, vous parlez d'un intérêt de la Chine pour le chocolat. Alors, un intérêt, bien que la consommation de chocolat ne soit pas quelque chose qui ait beaucoup d'affinité avec la culture chinoise, c'est-à-dire la culture traditionnelle de la gastronomie chinoise, c'est plutôt l'utilisation de la saveur aigre-douce, c'est-à-dire c'est pas tellement le sucré en contraste avec le salé. On a l'exemple d'un pays asiatique, le Japon, qui a déjà un intérêt séculaire pour le chocolat et qui a produit maintenant une génération de très bons chocolatiers. Mais la consommation par tête d'habitant de chocolat au Japon est d'environ 2,5 kg par habitant, ce qui n'est pas beaucoup considéré. Bon, pour donner un ordre de grandeur, en France, c'est de l'ordre de 7 kg. Et au Royaume-Uni de 10 kilos. Les champions du monde, c'est les Suisses avec 12 kilos, mais par tête d'habitant, par an. Mais ils disent que c'est en grande partie à cause des touristes qui viennent acheter du chocolat en Suisse. Bon, allez donc savoir. Mais enfin, bon, ça vous donne une idée. Maintenant, le jour, évidemment, où la Chine se mettra même à consommer, enfin, la consommation de chocolat en Chine à l'heure actuelle est de l'ordre de quelques centaines de grammes par tête d'habitant. Si ça augmente, là, ça deviendra tout de suite une consommation astronomique. Mais pour le moment, nous pouvons disposer encore d'une production de qualité. Ce qui se différencie de plus en plus, c'est la chocolaterie très haut de gamme, le bonbon de chocolat, de la chocolaterie plus ordinaire, disons les grandes productions industrielles de bonbons de chocolat, surtout avec l'utilisation de graisses autres que le beurre de cacao dans leur élaboration. L'introduction de substances autres que le beurre de cacao dans la production de chocolat est relativement ancienne. Et en fait, elle a été l'apanage essentiellement de deux pays, la Grande-Bretagne et les pays scandinaves. Aux États-Unis, contrairement à une idée répandue, non. Là, véritablement, ça a toujours été, en particulier pour les producteurs les plus traditionnels comme Hershey, l'idée qu'il faut utiliser un produit de qualité naturelle. Ce n'est que très récemment, au cours des dernières années, que certains grands groupes comme Kraft, ont cédé à la tentation. Mais cette introduction donc de graisses végétales autres que le beurre de cacao représente un enjeu important. Sur une tablette, c'est pas grand-chose, mais sur 1 million de tablettes, ça peut être beaucoup d'argent. Et donc, il y a eu pendant fort longtemps une controverse au niveau de l'Union européenne de savoir si on permettait de donner l'appellation chocolat à un produit qui n'est pas 100% beurre de cacao et qui n'utilise pas 100% cacao dans son élaboration. Et pour terminer, pourquoi on appelle le chocolat ainsi, chocolat ? Pourquoi on l'appelle chocolat ? Eh bien, c'est un mot en français qui vient de l'espagnol « chocolate », qui vient du nahuatl, c'est-à-dire la langue que parlaient les Aztèques, « chocoatl », ça s'écrit avec un « x », Alors, quelle est la racine du mot chocoatl? Ça, on n'est pas encore tout à fait sûr. Le mot atl veut dire eau. Chocoatl, certains disent, ça veut dire eau trouble. Mais on n'est pas encore sûr de la racine. D'autant plus que, disons que les Aztèques ont découvert le cacao et le chocolat quand ils ont conquis les terres mayas, et on n'est pas très sûr que finalement le mot pour désigner le chocolat ait été un mot nahuatl au départ. Mais enfin, bon, la racine certainement vient d'Amérique centrale. Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine pour nous raconter l'histoire du chocolat, Nikita Harwich. Je rappelle, vous êtes historien, spécialiste des civilisations d'Amérique latine, membre de l'Académie française du chocolat et de la confiserie, et vous avez dirigé la première encyclopédie totalement consacrée au chocolat qu'on peut trouver en librairie. Est-ce que vous aimez le chocolat? Bien sûr, mais quel type de chocolat vous appréciez? Bien, je vais vous dire, j'aime bien certaines tablettes de chocolat plutôt noir et pas trop sucré. C'est une question de goût personnel. Et puis, bon, certains bonbons de chocolat, certaines ganaches sont absolument extraordinaires. Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books of the Bible, got my own special way. I know Jesus loves me, maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday at the Red Lee's candy store. Well, I've got to be a chocolate Jesus, make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et comme tous les vendredis, l'actualité des romans graphiques, de la bande dessinée. Après Printemps des Arabes il y a 2 ans, l'universitaire spécialiste de la série Jean-Pierre Filu et le dessinateur Cyril Pommès récidivent avec La Dame de Damas, toujours chez Futuropolis. Bonjour Jean-Pierre Filu. Bonjour. Et bonjour Cyril Pommès, qui commence déjà son dessin pour l'émission. Dessin à retrouver bien sûr à la page d'Un autre jour est possible sur franceculture.fr. Alors cette fois-ci, c'est très différent, puisque c'est une fiction, bien sûr, une fiction qui s'appuie sur des faits réels, les faits qu'a connus la série depuis les premières manifestations du printemps arabe qui va virer au cauchemar. Mais les personnages, c'est de la fiction, c'est la première fois, Jean-Pierre Filu, que vous passez au registre de la fiction. Oui, effectivement, c'était pour moi un petit, moyen, grand saut dans l'inconnu. Et en même temps, c'est par la fiction que je voulais dire ce que, comme universitaire, j'avais trop longtemps martelé. C'est que cette histoire tragique-là, qui aujourd'hui habite notre actualité, eh bien, elle aurait pu être tout à fait différente si on avait laissé à ces femmes, à ces hommes, tout simplement le droit de vivre la vie normale à laquelle ils aspiraient. Une fiction ancrée dans le réel et qui a donc pour cadre le printemps avorté de Damas et le début de la guerre civile en Syrie. C'est une histoire d'amour contrariée à la Roméo et Juliette, mais transposée dans ce théâtre sinistre qu'est la guerre en ce moment en Syrie. Alors, présentons les Roméo et Juliette. Qui est Roméo? Roméo se prénomme Karim, Juliette se prénomme Fatima. Ils ont grandi, ils vivent tous les deux dans une banlieue de Damas qui s'appelle Daraya, qui est connue pour son militantisme non violent, mais eux ne sont pas des militants. Ils vont être absorbés par cette crise qui va devenir une guerre, lui du côté de la révolution, elle du côté du régime. Et j'insiste tout de suite, ce sont tous les deux des Arabes sunnites. On ne va pas faire des histoires entre confessions, des amours contrariés entre minoritaires. Ils appartiennent tous au groupe qui se trouvent être majoritaires dans la Syrie d'aujourd'hui. C'est pas ça qui va faire leur bonheur, mais c'est pas ça non plus qui va les empêcher de s'aimer. Voilà, mais sauf que le destin va être tragique et pour l'un et pour l'autre, et chacun va faire d'abord des choix personnels, parce qu'il y a toute cette envie de vivre, de s'aimer malgré tout, mais ensuite les événements prennent le pas sur leur désir, mais sur le désir de tout le monde. C'est ce que vous montrez bien dans La Dame de Damas. Effectivement, hein, ces événements qui s'imposent, mais qui n'avaient rien d'une fatalité, vu que c'est un enchaînement de massacres, une escalade où, à mon avis, le tyran Bachar el-Assad porte une responsabilité terrible. Mais eux vont essayer de faire mentir cette fatalité. D'abord, ils vont se retrouver alors que l'une s'était mariée, l'autre était passée dans la clandestinité. Ils vont se retrouver... Enfin, elle s'est mariée avec quelqu'un du régime, hein. Il faut bien le montrer, il faut bien le préciser. C'est ça qui rend cette histoire très poignante. Et la tension est à son extrême, parce que ce sont aussi deux ennemis, entre guillemets, qui se retrouvent, mais en amant. Deux ennemis qui se retrouvent en amant, avec deux enfants, qui sont les enfants de cette union entre Fatima et un des piliers du régime Assad, qui va périr dans la guerre. Et ces deux enfants qui sont innocents comme le sont et doivent le rester tous les enfants, même en Syrie, malgré toutes ces horreurs. Et donc Karim va devenir aussi le père de ses enfants, devenant l'époux de celui qu'il a toujours aimé. C'était quoi le moteur de votre fiction, Jean-Pierre Filliu? Parce que j'ai peut-être l'impression que votre idée de départ, c'était de déjouer tous les clichés qu'on a de ce conflit. Effectivement, il y avait une volonté de les déconstruire, mais surtout il y avait une tendresse, osons le dire, pour ces personnages. Et la Juliette en hijab, on peut le dire, et le Karim révolutionnaire. La Juliette n'est pas toujours voilée, elle va l'être justement parce que la société a choisi contre elle, et parce que c'est la seule façon pour elle de protéger ses enfants dans cette société. Et puis je crois qu'on peut livrer un secret ici, Siri et moi, qu'à un moment, j'avais tellement peur pour ces personnages auxquels je m'étais tellement attaché, et encore plus attaché en les voyant dessinés par Siri, que j'ai voulu changer la fin. Et je voulais qu'ils vivent heureux. Parce qu'après tout, ils avaient le droit, eux aussi, de vivre heureux, leur passion. Et là, c'est Siri qui m'a rappelé à l'ordre et qui m'a dit que il y avait une histoire et que celle-là, elle était écrite et que d'ailleurs, il avait déjà travaillé jusqu'au bout de la dite histoire. Cyril Pomès, c'est le recul que vous aviez vis-à-vis de la Syrie, parce que je suppose que vous, contrairement à Jean-Pierre Filliu, vous n'êtes pas allé en Syrie. Vous ne connaissez pas, ou si? Non, je suis jamais allé en Syrie. Non, effectivement, je peux parler que de recul. Alors après, est-ce que c'est un recul bénéfique ou pas? En tout cas, une forme d'ignorance de ce qu'est la Syrie, de ce qu'elle était, de ce qu'elle est devenue. L'avantage de travailler avec quelqu'un comme Jean-Pierre, c'est qu'on apprend plein de choses. Pour mettre en scène la Syrie, ce à quoi j'avais déjà été confronté pour Le Printemps des Arabes, notre précédent bouquin, il m'a fallu de la documentation, évidemment, que je suis allé chercher, mais oui, j'ai jamais mis les pieds en Syrie. Je suis allé en Jordanie, j'ai eu la chance d'aller en Jordanie, au Yémen, il y a quelques années. Mais quand Jean-Pierre parle de son attachement au personnage, encore une fois, je fais une comparaison entre le Printemps des Arabes, qui a été morcelé en 16 chapitres, où à chaque fois était mis en scène, non pas un personnage, mais une personne, d'ailleurs, réellement existante. À chaque fois, on avait un chapitre de 4, peut-être 6, 7, 8 pages, grand maximum, où on avait à peine le temps de s'attacher à une personne. C'était un exercice particulier, j'espère qu'on s'en est sorti, mais on s'attachait à cette personne, et puis on passait au chapitre suivant. Alors que là, on les suit pendant des années, pendant les soubresauts de cette révolution. Là, on a 100 pages, j'avais 100 pages pour suivre ces personnages, pour rentrer dans leur intimité, pour partager leurs émotions, parce que dessiner, donner un visage et donner des émotions à un personnage, je sais pas si vous avez déjà vu un dessinateur ou une dessinatrice dessiner, mais si je dessine quelqu'un qui sourit, je souris. Si je dessine quelqu'un, vous savez, souvent les dessinateurs, ils grimacent bizarrement quand ils dessinent. Ça passe pas que par là, ça passe. On partage des sentiments. Et l'opportunité de ces 100 pages qui se sont enchaînées, enfin, c'était un terrain extraordinaire. Il y a vraiment beaucoup d'humanisme dans votre dessin, parce que c'est ce que vous mettez en avant, Cyril Pomès. D'ailleurs, les décors, même si on sait qu'on est en série, même si on reconnaît un tout petit peu cette région du monde, ce n'est pas ça qui est très important. Ce sont vraiment les visages, les attitudes, les émotions, comme s'il fallait inscrire cette tragédie dans l'histoire universelle. Et puis surtout, la culture arabe, c'est-à-dire... ça aurait pu être un reproche, mais ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de dialogues, comme dans une culture orientale. Ça parle beaucoup. Et donc, vous avez trouvé le bon moyen de traduire ça en français. Alors, est-ce que ça a été le sujet de discussion entre vous deux? Le sujet de discussion sur les dialogues, non, parce que Jean-Pierre m'écrivait des dialogues qui étaient déjà très très en place. Mais vous, à aucun moment vous n'avez dit oh il y a trop de dialogues, il faut alors leur élaguer. Si, c'est arrivé qu'on en parle et que j'élague un petit peu. Une précision toute bête, par exemple, quand j'écris moi un dialogue, je peux pas faire parler un personnage en lui faisant dire cela. J'ai remplacé tous les cela de Jean-Pierre par des ça, parce que pour moi on était dans la rue, parce que alors peut-être à tort, hein, mais c'est vrai que à un moment donné on a partagé cette aventure ensemble, et c'est vrai que peut-être que ce cela entre guillemets aurait mis trop de distance pour moi. Alors j'ai aboli cette distance. Je me suis permis, Jean-Pierre me l'a permis aussi. Mais voilà, en tout cas quand vous parlez des visages des personnages, c'est ce que je dessine le mieux, les visages, parce que c'est ce que j'aime le plus dessiner. Sauf que là, vous imaginez des personnages. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé sur plusieurs modèles, photos? Comment vous faites, Cyril Pomès? J'ai commencé par réunir beaucoup de photos. Alors, si on s'intéresse aux personnages, oui, c'est une grande galerie de photos que j'ai fait défiler et beaucoup de recherches de personnages, ce qui est finalement quelque chose d'assez traditionnel dans la bande dessinée. Chercher le personnage, les personnages qui vont être le véhicule du lecteur dans l'histoire, c'est déterminant. Donc il y a une exigence pour le lecteur, il y a une exigence pour soi aussi, parce que finalement quand on trouve le personnage, il faut qu'on se dise qu'on va passer 100 pages avec lui, donc un an et demi, il faut qu'on s'entende bien avec ce personnage au niveau du dessin. Et les deux mondes qui se retrouvent dans une case, dans une page, c'est-à-dire les enfants dans leur innocence, et puis les sbires de Bachar al-Assad, entre autres, qui n'ont pas besoin de parler, on voit juste leur attitude et on a peur, peut-être que parce qu'entre-temps on est rentré dans l'histoire, dans la tension de cette histoire, ce mélange de plusieurs sentiments, ça aussi a été objet de discussion, de réflexion, d'essai. Ça a été le fruit d'essais, de discussions aussi. Je pense que, comment dire, il y a toujours un challenge à faire cohabiter, et c'est aussi tout l'intérêt de la bande dessinée, mais plusieurs choses dans une même case, plusieurs univers, plusieurs états de tension. Alors je suis ravi d'entendre que je m'en suis pas trop mal sorti, mais cet exemple que vous donnez de ces sbires du régime qu'on voit arriver en fond dans la foule, et on sait déjà qu'ils apportent une tension, et on va avoir au premier plan ces enfants comme vous dites encore, dans toute leur innocence, c'est des challenges graphiques, mais une fois qu'on a réussi à poser ces codes là, on arrive à parler de la vie, on arrive à parler de ce qu'est une rue, parce que les sbires et les enfants cohabitent dans les rues de Damas. Si on arrive à traduire ça, et c'est vrai que c'est presque sur les premières cases que ça se joue, il n'y a pas d'essai tellement possible de mettre en confrontation sur une feuille blanche deux univers, ça se joue dans les cases. La Dame de Damas, le roman graphique de Jean-Pierre Filiu et de Cyril Pomès, sorti il y a quelques mois et toujours d'actualité, c'est édité par Futuropolis. Et pour avoir votre humeur du jour, Cyril Pomès, Jean-Pierre Filiu, je vais vous demander de choisir trois questions dans la corbeille à questions aux invités. Première question. Quel est le film de votre vie ? Jean-Pierre Filu. La Dame de Shanghai. Et vous rendez hommage, bien sûr, à la Dame de Shanghai. À la Dame de Shanghai, comme à la Dame de Damas, comme aux blondes ou aux brunes. Cyril Pomès, le film de votre vie ? Le film de ma vie. Peut-être que ce serait. Parce que je le vois toutes les semaines. Ah, c'est ça, mais c'est de la triche. je pense à La Crise de Colin Serrault, que j'ai vu et revu et revu dans des moments de ma vie très très différents et qui à chaque fois m'anime d'une manière différente, comme je pense. C'est le propos ou c'est l'esthétique du film qui fait que c'est votre film de votre vie ? Je crois que c'est le propos. Il y a ce mec qui est complètement. Dont le monde s'effondre, qui est complètement perdu et qui, à chaque fois qu'il croit qu'il va retrouver un repère, retombe d'une marche. Et en même temps, toute sa vie, tout ça. Il y a un bouillonnement dans ce film de vie, de gens qui se parlent et qui ne s'écoutent pas toujours. Et c'est un film qui me touche infiniment, qui m'a toujours touché. Deuxième question. Cette fois, c'est moi qui la pose. Jean-Pierre Filu, que lisez-vous en ce moment ? En ce moment, je viens de terminer le livre « Encore » d'Hakan Günkay. Je suis désolé si je ne l'ai pas bien prononcé, qui est une fiction turque extraordinaire qui raconte la vie vue par le fils d'un passeur. Wow. Et vous, Cyril Pomès ? Je me rends compte qu'il y a une continuité, puisque avant j'ai parlé d'un film que j'avais vu plein de fois. Moi, je peux parler d'une relecture qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, qui est « Le monde selon Garp ». De John Irving, que j'ai lu dans un moment un peu difficile. Et cette fresque sur où on suit un personnage de sa naissance à sa mort. Et je pourrais presque dire les mêmes choses que pour La Crise, c'est marrant. C'est un grand, grand, grand livre que je relirai très probablement plusieurs fois encore dans ma vie. Déjà, moi aussi, ça a été mes lectures d'adolescent, L'Hôtel du New Hampshire. Irving. Ouais. Troisième et dernière question. Donc, cher Cyril, dans quel tableau célèbre aimeriez-vous vous projeter ? Ah bah voilà, ça s'adresse à vous. Parce que je suis censé évidemment avoir une grande culture picturale. Alors, vous avez fait une école d'art, rassurez-moi. Il y a longtemps. Non, dans quel... probablement dans... alors je ne vais pas avoir le titre de la peinture, j'espère que les auditeurs vont reconnaître. C'est un tableau de Magritte, si je ne dis pas de bêtises, où il y a un personnage qui est devant un miroir. On le voit de dos et son reflet est également de dos dans le miroir. Et si je ne dis pas de bêtises, sur la cheminée qui soutient ce miroir, il y a un bouquin qui est « Les nouvelles extraordinaires » d'Edgar Allan Poe. La ronde de nuit. Et pas seulement comme hommage à Manu Chao et Manon Negra, mais pour le tableau lui-même. Merci d'être passé. Je rappelle, La Dame de Damas est éditée par Futuropolis. Je vous laisse désannoncer l'émission. C'est une nouvelle habitude d'un autre jour est possible. Allez. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30. Et quand vous voulez, avec l'écoute en ligne et le podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem préparée avec la collaboration de Pascaline Bonnet, prise de son Éric Boisset et réalisation Thomas Duterre. Bonne matinée, bon week-end à lundi.